Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durusul Madina, Al-Juzuthani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil Al-Martiniki, Hafidhullahu Ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyat Bidammaj, au Yémen, cours numéro 17. Nous demandons à Allah Subhanahu Wa Ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى الدين أما بعد أدخل مباشرة في الدرس 17 et ce درس également lui se rapporte au نصب في الفعل طيب الفعل المنصوب raconte certaines choses qui rendent le fil mansoub et des choses qui sont très importantes pour parler de tous les jours نعم طيب سنقرأ سأقرأ مكان المدرس وأنت تقرأ عمار وطلاب تمام؟ أي نبدأ يقول لما خرجت من الفصل يا عمار؟ pourquoi tu sortis de la classe يا عمار؟ خرجت لأشرب الماء. دي خرجت لأشرب الماء. je suis sorti pour boire de l'eau. donc là tu vois لي أشرب الماء. c'est لي il est rentré dans le verbe il a rendu منصوب. en fait ça veut dire pour. voyez pour boire de l'eau. المدرس يقول ولما خرج ياسر معك؟ et pourquoi ياسر est sorti avec toi؟ هو خرج ليغسل وجهه. لا. ليغسل وجهه. نعم. et lui est sorti pour laver son visage. زيد. يا أستاذ أنا أريد أن أجلس هنا أمامك. مقعدي بعيد عنك. ومن هناك ومن هناك أرى ما لا, لا أرى ما تكتب على السبورة. نعم. donc Amayoun dit au professeur, moi je veux m'asseoir là devant toi. donc regarde, il dit أنا أريد أن أجلس. donc là le أن c'est حرف النصب comme on va venir dans le درس qui permet de faire la liaison entre deux verbes. voyez entre deux verbes. et le verbe qui vient derrière il est منصوب avec une fatha ou ce qui peut la remplacer. مقعدي بعيد عنك. ma place est loin de toi. ومن هناك لا أرى ما تكتب على السبورة. et de là où je suis, enfin من هنا de là où je suis, je ne vois pas ce que tu écris sur le tableau. là, لا أرى ما تكتب. الماء elle est quoi là? لا أرى ما تكتب على السبورة. ما تكتب. أيوة. ça veut dire là, là si on dit نافية, tu vois le sens il va changer. non. c'est une quoi? ما تكتب c'est. ما أرى ما تكتب على السبورة. c'est pas nahia, c'est la dernière qu'on a prise. c'est le mawsoula. le معنى الذي لا أرى الذي تكتب على سبورة. المدرس يقول يمكنك أن تجلس هنا الآن. هذا مقعد حمزة. وهو غائب منذ أسبوعين. اسمعوا يا أبنائي. تبدأ عطلة الصيف بعد شهر. أين تذهبون في هذه العطلة؟ أوكي دي. يمكنك أن تجلس هنا الآن. donc يمكنك c'est il est possible. من الverb الفعل أمكن يمكنه. être possible. طيب. وأنت كم سامنيا؟ هذا مقعد حمزة. ça c'est la place de حمزة. هو غائب منذ أسبوع. il est absent depuis une semaine. منذ ça veut dire depuis. طيب. Ouzbou, une semaine. Écoutez, ô mes fils, les vacances d'été commencent dans un mois. Otla, c'est vacances. Ou Asaif, c'est l'été. Où allez-vous durant ces vacances? Nous voulons aller dans nos pays. Où veux-tu aller, toi ou Hajim? Il dit, moi, je veux aller en Égypte. Pourquoi veux-tu aller en Égypte? Il dit, je veux aller en Égypte afin de visiter mon frère qui étudie à l'université de l'Azhar. ça peut être Yudoris aussi, mais الله أعلم. طيب وأين تريد أن تذهب أنت يا يوسف؟ Où veux-tu aller toi ou Youssouf? أريد أن أذهب إلى لندن. Je veux aller à Londres. Alors c'est cool. Là tu veux te ذهب إلى بلدك؟ Ne veux-tu pas aller à ton pays? نعم لا أريد أن أذهب إلى بلدي هذه السنة. أريد أن أذهب إلى لندن لأدرس اللغة الإنجليزية الإنجليزية هناك. Catastrophique. Oui. En effet, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas aller dans mon pays cette année. Je veux aller en Angleterre pour étudier la langue anglaise là-bas. Moudaris Yakoul. Là, il y a un qui nous a dit que l'orateur l'anglaisie est en Belgique. N'est-il pas possible d'apprendre la langue anglaise dans ton pays? Non, là, il y a un qui nous dit que l'an. Ah? L'an. لا يمكنني ذلك. لا نعم لا يمكنني ذلك الآن. لأن. أيوة. نعم. لأن أهل بلدي يدرسون اللغة الفرنسية ولا يدرسون اللغة الإنجليزية. دي. En effet, cela ne m'est pas possible, car les gens de mon pays apprennent la langue française et n'apprennent pas la langue anglaise. Je ne sais pas s'ils disent يدرسون ou يدرسون. Je pense que c'est Yadrosun plutôt. Darrasa, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Donc c'est Yadrosun, c'est ils étudient. Amdorri Sakoun. Si Aïkouliadin Touridou et Adrosa, fil Aam el Mokbil, ya Marwan. Donc dans quelle faculté veux-tu étudier l'année prochaine au Marwan? Touridou en Adrosu. Là. Adrosu. Adrosa. Adrosa. Fikouliati Shariati. Non, je voudrais étudier dans la faculté de la législation. في أي كلية تريدون تدرس أنت يا موسى؟ وكل فكولة veux-tu étudier toi ou موسى؟ لا يمكنني أن أدرس بالجامعة في العالم في العام في العام المقبل في العام المقبل ذلك لأنني مريض وأريد أن أذهب إلى الولاية ولاية الولاية ولاية الولاية الولاية المتحدة المتحدة العلاج للعلاج كاتاستروفيك سيت ولاية سبحان الله لو تيجي تفهم الانجلي لو تيجي تفهم في الولايات المتحدة فات كوا بعد لو تيجي تفهم الاركيولوجيا في استراليا Moussa Yakoul, la Yomkinoni en Adrusa Biljamia Filam el Mokbil. Donc il dit, il ne m'est pas possible d'étudier à l'université l'année prochaine. Aam, c'est Sana. Vous voyez, Aam, c'est Sana, c'est une année. Cela, car je suis malade et que je veux aller aux États-Unis pour me soigner. Moussa Yakoul, Shafa Akallah. Kanut Geris. Ya Oustad, Yakadu, Jaras, Al Jaras, Yarinu. Yarinu. أرجو أن تسمح لنا بالخروج الآن قبل أن يخرج الطلاب الآخرون. نعم. دي يا أستاذ، لا sonnerie est sur le point de retentir. J'espère que tu nous permettras de sortir maintenant avant que les autres élèves ne sortent. Donc أرجو c'est راجع أرجو c'est espérer. وتسمح c'est سمح يسمح c'est permettre. Excusez, et accordez. Et khourouj ma'alou, c'est mazad de kharaj et khourouj. Ou akharoun, c'est le pluriel de akhar. C'est-à-dire que tu dis rajoul akhar, rijaloun akharoun. Jamou zakar salim. Non, les autres quoi. Baqiyé sulus dakaik. Yomkinukum el khourouj et en. Ukhroujou bihudouin. Il dit, il reste 3 minutes. Baqiyé, c'est fier qui veut dire rester. Voyez. Yomkinukum el khourouj et en. Donc yomkina, c'est de Amkana, on a dit, être possible. Donc il vous est possible de sortir maintenant. Okhrujou bi houdou, sortez avec Kan. Houdou, ça veut dire Kan. J'ai dit, il y a, dans ces koutoub, il y a un wala, un bala, il d'arrive d'iddan avec les koufars. Adib d'iddan, là. Il n'incite pas les gens, tu vois, se procher des pays d'islam ou trop de... Dunya. C'est parce qu'aussi il y a beaucoup de toulèbes là-bas étrangers, tu vois. Mais au contraire, ça se passe une darwa justement pour prendre ces toulèbes étrangers et les faire en sorte que l'amour de l'islam, des pays de l'islam rentre dans leur cœur. Juste ça, ils envoient Londres, New York, Paris... Donc, le tas de tamarin, elle a ouel. Il bait. Taïeb. طيب الثاني يقول يقول إكرم قاله هماليون للمدرس ثم يملى الفراغات فيما يلي على ضوء ذلك. Donc il dit, lit ce qu'a dit Humayun au professeur, ensuite remplit les vides suivant en suivant l'exemple, en t'éclairant de cela. Solo si tu repars à la maison, tu calmes le texte. Et la, l'exercice 3 et le 4, on n'en a pas besoin. C'est un truc normalement qui est lu entre le Oustaz et le Moudar et le Toulèb. Et c'est du blabla. Toyeb. On va rentrer directement dans le 6. Donc là, il veut t'apprendre à employer an. Attention, c'est pas anna. Vous voyez, c'est an. An, c'est aussi un harf naz. Parmi les huruf, vous voyez, qui rentrent dans le verbe, sur le fi'al. An, c'est un harf qui est khas bil fi'al. C'est spécifique au verbe. Il n'y a pas de an avec les noms. Et c'est un harf naz. Ça veut dire que le verbe qui vient derrière, il va être mansoub. Et Aramat al-Nasb, le signe du Nasb, d'origine, c'est quoi? C'est la Fatha. Et ce an, il vient pourquoi? Pour faire une jonction entre deux verbes. Nous, en français, on n'a pas ça. On fait directement les deux verbes ensemble. Tu dis par exemple, je veux aller au Masjid. Ben là, en arabe, tu es obligé de mettre an entre le verbe vouloir et le verbe aller. Tu veux dire quoi? Uridu an adhaba il Masjid. Vous voyez, Uridu an adhaba il Masjid. Par exemple, tu dis je veux m'asseoir, uridu an ajlisa, ainsi de suite. Donc il permet de quoi, comme on a dit, de faire la jonction entre deux verbes. Masalan, il dit uridu an adhaba ila al-mustawsaf. Donc ça veut dire quoi? Je voudrais aller au dispensaire, à l'infirmerie. Nasitu an akula laka shay'a. Donc nasitu, ça vient de nasiya qui veut dire, rappelle, oublier. Il dit j'ai oublié de te dire quelque chose. Vous voyez, un akula kashay'a, de te dire quelque chose. Uridu an ahfaz al Qur'an al Karim. Je veux mémoriser, vous voyez, le Qur'an al Karim. Rabi'an, nasitu an aktuba adarsa. J'ai oublié d'écrire le cours. Donc, pour se traduire par deux, ou deux apostrophes, mais c'est obligatoire. Donc j'ai oublié d'écrire le cours. Khamisan. Uridu an adrusa lughat al-arabiyyah li'annaha lughat al-Qur'an al-Karim. Ça c'est une belle phrase. Je voudrais ou je veux étudier la langue arabe car elle est la langue du Qur'an al-Karim. C'est des phrases comme ça qu'il faut qu'ils mettent plus. Plutôt que je veux aller apprendre l'anglais ou le français. Sadisan. Nuridu an nas'alaka su'alan ya ustaz. Nous voulons te poser une question au professeur. Sabian, Eturidu Antakula Lishaya, veux-tu me dire quelque chose? Faminan. Yuridu Ahi Anyadrusa Biljamirat Islamiya. Donc mon frère veut étudier à l'université islamique d'El Medina. Tasian, Nasitu an Aktuba El Unwan ala Dorf. Donc il dit j'ai oublié d'écrire l'adresse sur l'enveloppe. Alors, Onwen, c'est l'adresse, et Vorf, c'est l'enveloppe. ça peut avoir d'autres choses. En fait, un zorf, c'est tout ce qui contient quelque chose. Et bien, là, le sens voulu par zorf, ici, c'est... Là, c'est l'enveloppe. Donc, comme tu peux le voir, chaque verbe qui vient après an, comment il est ? Mansoub. Ou alamat nasbi, sous signe de nas, c'est quoi ? La fatha. Et à chaque fois, le verbe qui vient après an, il prend le même fa'il que celui qui est avant an. C'est la même personne qui parle. Uridu an afal kada, si je veux faire quelque chose. Donc les deux, ils ont un fa'il moustatir. Uridu, son fa'il, c'est ana. An afal, afal, pareil, c'est ana. La mienne moustatir. Et si l'on devait faire ça avec. Je ne sais pas s'il le met dans le livre. On le mettra plus tard, on en parlera après. Quand c'est les, avec Waou Jamara, Waou Ya Mukhataba. Tayyib Sabi'an, Ajib al-Asilati al-Atiya, Mustarmelan An. Tu réponds à la question suivante en utilisant An. Aina turidu an tadhaba fi ghutati sayf. Où veux-tu aller lors des vacances d'été? أريد أن أذهب إلى اليمن. طيب. Je voudrais aller au Yémen. ثانياً، لما تريد أن تدرس اللغة العربية؟ Pourquoi veux-tu étudier la langue arabe؟ أريد أن أدرس اللغة العربية لأنها اللغة القرآن. لا. لأنها لغة القرآن. ثالثا مع من تريد أن تلعب؟ Avec qui veux-tu jouer؟ أريد أن ألعب مع ابني. نعم، je voudrais jouer avec mon fils. رابعا من أي إذاعة تريد أن تسمع الأخبار؟ De quelle fréquence radio, quelle radio voudrais-tu écouter les informations؟ أريد أن أسمع الأخبار من إذاعتي صنعاء. نعم. خامسا ماذا تريد أن تشرب يا أخي؟ Que veux-tu boire ou mon frère؟ أريد أن أشرب عصير برتقالي. عصير برتقالي. عصير. عصير. أريد أن أشرب. Ça m'a fout le bic en arrière. Donc. عصير برتقالا. نعم. برتقالي. مضاف إليه. نعم. سادسا لما تريد أن تذهب إلى الطبيب؟ Pourquoi veux-tu aller chez le médecin؟ أريد أن أذهب إلى الطبيب لأنني مريض. نعم، je veux aller chez le docteur, chez le médecin, car je suis malade. سابعا ماذا تريد أن تأكل في العشاء؟ Que veux-tu manger au dîner؟ العشاء c'est le dîner. أريد أن أكل. أن أكل. Attention. أكل. لا. Akula. Fasulia. Je voudrais manger de la fasulia, qui est des haricots blancs. Saminan, Maza Nasita, qu'as-tu oublié? Nasitu an aktuba ad-darsa fi daftari. J'ai oublié d'écrire le cours dans mon cahier. Donc tu vois, là, c'est comme les... Un wajba, ce qu'on appelle un wajba, c'est un repas. Et c'est connu que le wajba, il est en trois étapes. Le matin, le petit, ce qu'on appelle le petit déjeuner. Ici, ils vont dire sabour. Mais la réalité, c'est qu'on va dire rada. Le rada, on dit pour le petit déjeuner et pour le déjeuner. Les deux s'appellent rada. Rada, rada un. Et le dîner, c'est al-asha, comme tu vois écrit ici. Asha'un. Donc c'est ou rada, ou racha, et des fois en fonction des pays, le petit déjeuner lui donne un nom qui lui est propre, comme au Yémen, c'est fadour. Tayeb. Donc maintenant, tu as vu comment on peut faire la liaison entre deux verbes, avec an, qui est un harf nasb. Et tu auras plus de détails sur l'affaire. Inch'Allah, fil al-jurumiya. LN, on va t'apprendre comment définir une cause d'une action. Ça y est, comment définir une cause pour une action, et ce, en utilisant harf jar, il ta'lil. Ta'lil, c'est ce qui ce qui provoque une chose. C'est-à-dire ce qui provoque une chose, ce qui définit une cause. Et ce rapprocheur, c'est quoi? C'est li. Le même li que Hadha li Muhammad. C'est-à-dire Hadha laka. C'est-à-dire Hadha kitabun li. C'est le même lem. Seulement, ce lem-là, en fonction de la phrase, son sens, il peut changer. Mais ça reste un harfoujar. Ça peut être harfoujar, lem, el-milk, comme on l'a dit pour la possession. Hadha kitabun lak, c'est ton livre. Ou ça peut être ta'lil. Voyez, qui veut dire pour. Et là, ce même lem, il rentre dans les af'al. En apparence. Et le fi'l qui vient derrière, il va être mansoub. Cependant, attention, tanbih. Ce lem-là, c'est pas harf al-nasb. Ça reste un harf al-jar. Voyez. Et la chose qui rend que le fil est mansoub, c'est un n qui est caché. Ça s'appelle n munmara. Et ça, tu verras le détail, inshallah, dans le Jurumiya. Sache que juste que si tu vois le lem qui rentre dans le verbe après, directement, le verbe va être mansoub. Voyez, le verbe va être mansoub. Et ce lem veut dire pour. Masalan, il dit. Il dit Ikra al-amsilata al-atiya li lem et ta'lil. Donc, lit les exemples suivants de lem et ta'lil. Nadrusu al-lughat al-arabiya li nafhama al-Qur'an al-Karim wa al-hadith al-nabawi al-sharifa. Donc, il dit quoi? Nous étudions la langue arabe pour comprendre le Qur'an al-Karim et le hadith nabawi, c'est-à-dire le hadith, la parole du prophète Mohammed sallam. Donc, tu dis quoi? Li nafhama. Li adhaba. Li ajlisa. Li tafhala kada wa kada wa kada. Tamam? Et donc, le li là, c'est le hafoujar. Et le fi'l qui vient derrière, il est mansoub. Mais attention, comme je te l'ai dit, il n'est pas mansoub par le lem. Il est mansoub par un harf qui est caché. Ça, c'est un hafoujar. Et le hafoujar, on dit quoi? C'est propre pour les. Pour les noms. Pas pour les verbes. Et tu vas dire, pourquoi là, le hafoujar est entre dans un verbe? C'est une longue histoire. Vous voyez, avec plein de sous-entendus, trucs cachés et tout, ça viendra plus tard, Inch'Allah. Toi, t'as compris le sens? Ah, Hamshi. Plus important, t'as compris le sens et comment il se place. Thanyan. Kame el-mudarrisu liyaktuba ala saburati. Le professeur s'est levé pour écrire sur le tableau. Vous voyez, liyaktuba. Ay huwa. Thalithan. Kharajtu min el-fosli li ashraba el-ma'a. Je suis sorti de la classe pour boire de l'eau. Vous voyez, ou pour que je boive de l'eau. Rabi'an, Zahaba Abi il est Judda, liyashtariya sayyaratan. Donc mon père a été à Judda pour qu'il achète une voiture. Vous voyez, pour acheter une voiture. Khamisan, Kharakan Allah ta'ala linabudahu. Allah nous a créé pour qu'on l'adore. Khamisan, ou Sadisan, Dakhaltu al-hammama. Je suis rentré dans les toilettes pour laver mon visage. Sabian, Zahabtu ila al-maktab al-baridi li akhudha al-barqiyya allati ja'atni min abi. Il dit, je suis allé à la poste pour prendre. Vous voyez, li akhudha, ça veut dire pour que je prenne, mais bon, on en dira pour prendre. Abdel Wahid, salam alaykoum. Kif halouk? Bi khayr? Ana akhouk. Kif bayt? Non, inshallah. لِيَأْخُذَا فَوَنِ J'ai failli faire l'erreur, moi, si je l'ai fait, je crois. لِيَأْخُذَا طَيِّب الْبَرْقِيَا pour prendre le télégramme أَلَّتِي جَأَتْنِي مِنْ أَبِي qui m'est parvenu de mon père. ثَامِنًا فَتَحْتُ النَّافِذَةَ لِيَدْخُلَ الْهَوَاءُ فَدَخَلَ الذُّبَابُ مُشْكِلَة J'ai ouvert la fenêtre pour que l'air rentre et ce sont les mouches qui sont rentrées. طَيِّب Zubab, c'est mouche. Et ici, elle nous embête beaucoup, comme tu as pu le voir. Tasian, Ya Hamzatu, Azhabu al-An il souki li ashtariya dafatila wa aqlaman wa laka wa li su'ad. Donc il dit, oh Hamza, je vais maintenant au souk, au lieu de commerce, pour t'acheter, ou du moins pour acheter des cahiers et des stylos, ainsi que pour toi et pour Su'ad. Vous voyez? Donc regarde bien là. Li ashtariya wa laka wa li Su'ad, c'est le même lem. Harf al-jar. Sauf que dans le premier, il est entré dans un verbe. Al-fi'l, li ashtariya. Li ashtariya. Et le deuxième, il est entré dans un dhamir, laka. Et troisième, dans un ism zahir, li su'ada. طيب لن يقول اجيب عن الاسئله الاتيه مستعملا لام التعليل دونك ريبون كيسيون سيفونت ان اوتيزون لام التعليل اولا لما دخلتم المطعم بوكو ات فو رونتري دون لو ريستوران دونك اوتيز لو فيرب كي اون بارونتيز بيان سور دخلنا لنشرب نشرب نعم نشرب عصير نعم لما يكون عصير طبعا شاء الله ثانيا لما خرجت من المدرسة بوكو انت سورتي دو ليكول خرجت من المدرسة ليشتري قلما قلما قلما سورتي بوغ اشتي ان ستيلو لما ذهبت Il est coriatika yom el jumu'a. Pourquoi as-tu été dans ton village le vendredi? Dahabtu ila qaryati li azura walidayya. Naam. J'ai été dans mon village pour visiter mes parents. Rabi'an. Lima dahabtunna. Attention. Il est le maktabati ya akhawatu. Pourquoi avez-vous été à la bibliothèque ou les sœurs? Dahabna. إلى المكتبة لنقرأن نقرأ يعني نحن في مذكر مؤنث يبدأ من كلمة علاقة نحن نذهب quand des hommes qui parlent ou des hommes qui parlent ou نحن نذهب quand des femmes qui parlent donc يعني شو جيب لنقرأ لا يعلم لنقرأ أيوة لنقرأ لنقرأ ال ne dis pas le jalida, ne dis pas le sahifa. Et le mujalla. Le Qur'ana. Donc, ils ont dit, nous sommes allés à la bibliothèque pour lire le Qur'an. Quand tu dis, nahnu nakra'u, et le fa'il. C'est des femmes qui disent nahnu nakra'u, et le fa'il. Donc là, il n'y a pas de damir qui va derrière. Le damir, c'est nahnu. Khamisan. Lima dia akhuka ila al-madinati an-nabawiyya. Pourquoi ton frère est-il venu à al-madina nabawiyya? Jaa akhi ila al-madina nabawiyya yadrusa fi al-jami'ati. Mon frère est venu à al-madina pour étudier à l'université. Sadisan, lima kharaja zamiluka min al-fasl. Pourquoi ton frère, ou plutôt ton camarade, est sorti de la classe? Kharaja zamili min al-fasl liyaghsila wajhahu. Naam, mon ami est sorti de la classe pour laver son visage. Lima kharaqana Allah ta'ala. Akhwan, as-su'al li Abdul Wahid. Ajib an as-su'al li Abdul Wahid. Wa anta musajjal lil fransiyin. Limadha kharaqana Allah? على بدنا تجيب هذا السؤال لماذا الله خلقك كيف ما درست الأصول ثلاثة والمبادئ مفيدة النشيخ ما درستها طيب ما هو الدليل هذا دليل لي أن الله في السماء أنا للدليل أن يبين سبب خلق الله العبادة لماذا الله خلقنا خلق عبد الواحد خلق خليلا خلق فلانا خلق ابراهيم خلق انس هكذا لماذا ما هو السبب هكذا بدون سبب ها الله هو الحكيم معناه هو السبب وما خلقت الجن والانس الا لي لا ليعبدون ايوه هذا دليل ان الله خلقنا لعبادته هذا مهم جدا عبد الواحد طيب هذا يبقى معك سأسألك بعد أسبوع تعبون تجيب بعد أسبوع سأسألك نفس السؤال طيب عليك أن تجيب لم تجيب سأذهب إلى أبيك سأقول لا يعطيك عصيرا تمام متفق معي طيب حياك الله والآن نواجه السؤال إلى أخينا نفس السؤال انتبه شو يبقى توصل شو c'est pas la racine que le privé, c'est pas ce que ça va être. Je cherche la direct. Lima khalaqana Allah ta'ala. Khalaqana Allah ta'ala li'abudahu. Aïe, ouais, li'abudahu. Allah nous a créé pour qu'on l'adore. Naam. Lima qama al-mudarrisu. Pourquoi le professeur s'est levé? Qama al-mudarrisu liyaktuba 'ala as-sabura. Naam. Le professeur s'est levé pour écrire au tableau. Lima tadhhabu ila al-maktabi al-barid al-an. Pourquoi vas-tu à la poste maintenant? Adhhabu ila al-maktabi al-barid al-an li'akhudha barqiyati. Je vais à la poste maintenant pour prendre un télégramme. Ashiran, lima tadrusuna al-lughata al-arabiyyata ya ikhwan? Pourquoi étudiez-vous la langue arabe ou mes frères? Nadrusu al-lughata al-arabiyya. Ou les frères plutôt. Nadrusu al-lughata al-arabiyya li nafhama al-Qur'ana. Naam, nous étudions la langue arabe pour comprendre le Coran. Wada ahm shay. Wa fou mada al-lim al-ta'lil. Tayyib. Ashiran, ta'ammal ma yali. Maintenant, il va nous apprendre à quoi utiliser le verbe amkana. Yumkino, qui est un verbe rubaï à 4 lettres. On avait dit quoi lorsqu'un verbe vient à 4 lettres, il commence par you. Alors, ce verbe-là, amkana, il est à la wazn af'ala. Donc il dit, مثلاً, la yumkinuka. Voyez, el-osl, le kef, là, c'est un damir, muttasil. À la base, c'est la yumkin, comme il a mis après. La yumkin, ce n'est pas possible. Voyez, et si jamais je mets un kef, c'est il ne t'est pas possible à toi. Et si je mets « ou », « la yumkinuhu », il ne lui est pas possible à lui. Et si je mets « ni », avec une koya, « la yumkinuni », il ne m'est pas possible à moi. Ainsi de suite. Vous voyez ? Donc il dit « la yumkinuka » et « la yumkin »« entajisa huna » Il ne t'est pas possible de t'asseoir là. « Hada makandu Othman » C'est la place de Othman. Donc ça c'est qu'une nafi. Et tu peux également employer une autre sira, une autre version, en disant Mumkin. Tu connais Mumkin? Pour dire être possible. Là, c'est pas un verbe, c'est un nom. C'est un ism fa'il de ce même verbe, Yumkin. Et ism fa'il, ça va venir après, Inch'Allah. Tu vois? C'est un nom qui, quoi, qui définit l'action du même verbe, sauf que là, il n'est pas lié au temps. Et Mumkin, tu veux dire, par exemple, Mumkin, Hel, Mumkin, Enajlis, est-ce qu'il est possible que je m'assoie? Et tu peux dire, Hel, Mumkinuni, Enajlisa. Sauf que là, Mumkin, c'est avec un mime, c'est un nom. Et là, Yumkin, c'est le verbe directement. Donc là, après, il emploie avec quoi? Une isbet, l'affirmation. Sanyen, Yumkinuka, Yumkinu, intakhruja mel force en. Vous voyez? Donc, il était possible de sortir de la classe maintenant. Après, il a mis quoi? Yumkinuka, le khruj, mel force en. Et tu peux aussi employer avec le masdar directement. Quand tu dis Yumkinu, par exemple, moi je te dis à toi Yumkinuka en tajlisa huna. Il t'est possible de t'asseoir là. Je peux prendre la même phrase et au lieu de mettre en tajlisa, je mets le masdar directement. Je dis Yumkinuka en julus huna. Parce qu'en fait, c'est ça que ça veut dire. Quand en est dans un verbe, tu l'interprètes par son masdar. Mais ça viendra après, Inch'Allah. Mais là, tu vas comprendre que tu peux dire Yumkinuka en masalen. Tajlisa, en yumkinuka, al-julus. C'est le même sens. Thalithan, ayumkinuni, ayumkin, en akhuza adil majalla, il est le bait. N'est-il possible de prendre ce magazine à la maison? Rabian, anni marid, ou abiafon, c'est pas anni. Parce que je dis an, c'est bizarre qu'on se parle en fatha. Donc c'est abi, pas anni. Abi maridun, jiddan, mon père est très malade. La yumkinuhu an yadhhaba ila al-masna. Il ne lui est pas possible d'aller au masna, d'aller à l'usine. Khamisan, hadha yumkinu wa hadha la yumkinu. Cela est possible et cela n'est pas possible. Même. Donne-moi une phrase avec yumkin. Yumkinuni adhhabu ila al-masjid. Aïd. يمكنني أذهب إلى المسجد. طب بيان سوتش. أن أذهب إلى المسجد. نعم. Comment tu peux dire? Tu peux employer le masdar de ذهب qui est ذهب. يمكنني الذهاب إلى المسجد. Tu peux dire les deux. نعم. طيب. Maintenant il va apprendre quoi? À utiliser منذ. طيب منذ qui veut dire depuis. عادي عشر لدي تأمل الأمثلة لي منذ. Suis ou médite l'exemple avec منذ. ما رأيت محمدا منذ يوم الجمعة. Je n'ai pas vu Mohamed depuis vendredi. Donc, Mounzou, il vient comment? Moudof. Et derrière lui, ça vient quoi? Moudof ilayhi. Et attention, un truc très important. Mounzou, on l'emploie pour un temps défini. Pour une période connue. Alors, tu ne vas pas dire, il n'est pas permis, enfin, permis. Il ne convient pas de dire, par exemple, Ma ra'aytu Mohammeden, Mounzou ayyamin. Je n'ai pas vu Mohamed depuis plusieurs jours. Plusieurs jours, on ne sait pas c'est quelle quantité de jours. Deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, on ne sait pas. Et Mundo, il s'emploie pour un temps défini. Tu peux dire par exemple, Ma raitu Mohamed Mundo, Fasti Ayem, Arbati Ayem, Khamsati Ayem, Ashara, Ishirin, Sana, Sanatein. C'est un temps défini qu'on connaît. Mais un temps Mubaham, comme ça, un temps abstrait qu'on ne connaît pas, on n'utilise pas Mundo. Tu utilises Min. Donc tu vas dire, Ma raitu Mohamed Min Ayem. Vous voyez, mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont pas faire attention à cette règle-là. Ils emploient Mounzou à tout va. Mais à la base, Mounzou, il est employé avec un temps défini. Vous voyez, un temps défini, qu'il soit long ou court. C'est pareil. Thanian, huwa ghaibun Mounzou usbu'in. Il est absent depuis une semaine. Donc, ghaib, c'est absent. Mounzou, depuis usbu'in, semaine. Thalithan, naskunu fi hadha al-bayti Mounzou sanatin. Nous habitons dans cette maison depuis un an. Rabi'an, ومريض منذ رجوعه من بلدي. Il est malade depuis son retour de son pays. رجوع مصدر de رجع احسنت. خامسا اعرف هذا الشيخ منذ خمس سنوات. Je connais ce cheikh depuis 5 ans. طيب donne-moi l'exemple avec منذ. ادرس اللغه العربيه منذ شهرين. طيب. Et tu peux dire aussi mouz. Tu peux dire mounzou et mouz. C'est-à-dire, tu peux dire mounzou et mouz. Et mounzou, c'est un zorf, si tu veux savoir. Zorf, mais quel ou zamen? Zamen. Zamen. Non. Et il ne change pas, la fin ne change pas. Toujours avec une dhamma. Mounzou. C'est-à-dire, pas mounza, pas mounzi. Toujours mounzou. Maintenant, il va t'apprendre à quoi? À utiliser le verbe ra'a. Qui veut dire voir. Et ra'a. Vous l'avez déjà appris. C'est un ra, ensuite un hamza maftoura et ensuite un alif maksoura. Tamel mayali. Et quand tu utilises le verbe yara, taïeb, et bien le hamza au milieu il tombe. Tu mets le ra direct et le alif direct. C'est comme ça que c'est écrit. Par exemple, il dit huwa yara. Taïeb, il voit. Anta tara, tu vois. Ana ara, je vois. Nahnu nara. Nous voyons. Et tu vois, comme tu peux le constater, le hamzak au milieu, on ne l'écrit pas. Vous voyez, on l'écrit pas. Et ça, c'est parmi les verbes, je t'avais expliqué dans un autre vers, dont le lem, c'est un haf al-illa. C'est-à-dire, c'est un alif, ou un waw, ou un ya. Et là, c'est quoi? C'est un alif. Ça va venir, Inch'Allah, ces verbes-là, comment ils s'emploient. Taïeb, est-ce qu'il y a après, on le laisse aussi, parce que c'est un truc qu'il faut faire normalement, en prof avec des élèves en classe. Ça ne nous convient pas. On délaisse ce qui vient après. Thalithan, ta'amel mayali. Il te dit, arjou an tasmahali bil jolousi huna. Donc arjou, c'est bien, ça vient de quel verbe? Raja yarjou, qui veut dire espérer. An, on a pris, c'est Taïb. Et Tasmaha, ça vient de Samaha Yasmaho, qui veut dire permettre, excuser, accorder. Li, harfojar, avec le domir. Bi, harfojar. Julus, masdar de Aswar, qui veut dire assise. Et Huna, ici. Donc, comment tu traduirais? J'espère que tu me permettras de m'asseoir ici. Vous voyez? Fanyen, arjou, an, tasmahali, lahu, afwan, bil khuruj. J'espère que tu lui permettras de sortir. Que tu lui permets de sortir plutôt. Mandar Ali. Thalithan, arjou an tasmaha lana bil dukhul. J'espère que tu nous permets de rentrer. L'œil, mazdab, en français, on ne peut pas traduire mot pour mot. Donc, on est obligé de faire une variante et de prendre le verbe et de le conjuguer. On ne peut pas dire, par exemple, j'espère que tu me permets de l'entrée. Tu veux dire de rentrer. Vous voyez, de rentrer. Rabi'an, arjou, an tasmaha li hamidin bi ziyaratika. J'espère que tu permettras à Hamid qu'il te visite. Là, pareil, ils ont mis un mazdar, ziyara, c'est le mazdar de zara yazuru, qui veut dire visiter. Mais là, dans la phrase, nous, en français, on ne peut pas traduire le mazdar. On ne peut pas dire que tu permettras à Hamid la visite. Tu peux le dire, mais ce n'est pas clair. Donc, il vaut mieux mettre le verbe directement, qu'il visite. Qu'il te visite, du moins. Donne-moi une phrase sur la même formule. Arjou an tasmahali Je ne te permets pas, tu n'as pas fini. À part le hammam. Ça y est, ma femme. Rabi Achar. Il t'apprend quoi? Hadi Asma, Fusul et Sana. Donc là, il t'apprend quoi? Les saisons de l'année. Elles sont quatre. C'est les mêmes que chez nous. Sauf que quoi? Elles ont un autre nom. El Shitta. C'est l'hiver. Arabi, c'est printemps. Al-Saif, c'est l'été. Wal-Khalif, c'est l'automne. Et c'est les mêmes dans les pays arabes que dans les pays d'Occident. Taïeb. Al-An, kelimat jadida. Awalan, rotla. Rotla, c'est vacances. Misr, ça veut dire l'Égypte. Et c'est aussi, ça va être aussi un mot qui peut être employé pour un pays. Ou également les grandes villes. Vous voyez ? Et souvent, on l'emploie pour le pays, l'Égypte. Mais comme j'ai dit, Misr, c'est aussi un mot, tu cherches dans le dictionnaire. Si tu vois qu'il y a, regarde, comment tu peux savoir la différence entre eux ? Misr, pour le pays, il n'y a pas de tanwin. Tu dis Misrou. Mamnoum Nasarf. Si tu vois Misroun, c'est un pays quelconque, une terre. Ça va? Ahloun, Ahloun, c'est. Ça peut être la famille, ça peut être ton épouse, ça peut être les gens d'un pays particulier. Par exemple, tu dis Ahlou, Al-Baled, c'est les gens du pays. Vous voyez? Ahli, ça peut être ma femme, mon épouse. Ou ça peut être Ahli et Dom, Ousra, mon père, ma mère, mes frères, ainsi de suite. Et Ahl, ça peut être aussi quoi? Les suiveurs. Les suiveurs. Asha'un, c'est le dîner, comme on a pris. Asha'un, c'est le dîner. Zara, Yazuru, ça c'est quoi? C'est un fier, qui veut dire visiter. Baqiyya yabqa, ça c'est un verbe qui veut dire rester. Vous voyez? Anta tabqa, huwa yabqa, nahnu nabqa, ana abqa, rester quoi. C'est aussi un verbe qui a un harf ila à la fin qui a un lif. Et ça viendra, inshallah, comment on le conjuguera. El'amu el'mukbil, c'est l'année suivante, l'année prochaine. Vous voyez? El'am, c'est année, ou el'mukbil, ça veut dire aati, qui arrive. Houdououn, c'est le calme. Visibilité calme. Zorf, jam, zorouf, là, on veut dire quoi? Une enveloppe par rapport au texte. Ilaj, c'est le soin. Les soins que tu prends quand tu es malade. Par exemple, tu dis, ça se daboule le muscle, l'ilaj, je vais en Égypte pour faire soigner, pour les soins. Bada'a yabda'u, qui veut dire commencer. Basaka yabsuku, ça veut dire cracher. Vous voyez, basaka yabsuku, ça veut dire cracher. Azubab, jam, zuban. À chaque fois, je me demande comment on dit le jam de zubab, maintenant je ne sais pas. Zubab, c'est mouche. C'est ce qui nous embête tout le temps. I'lan, c'est une annonce. I'lan, c'est une annonce. Et daouda'un, c'est le vacarme. Daouda'un, c'est vacarme. Boucan. Et tu vois, il ressemble à Fauda. Fauda, ça c'est le bazar. Désordre. Samaha, yasmahu. Permettre, accorder, excuser. Alors je dis smahli, comme souvent les gens et les frères disent, excuse-moi. Il y en a même ça, ils utilisent le mot, ils ne savent même pas ce qu'il veut dire. Amkana yumkinu, c'est être possible. Vous voyez ? Et c'est un verbe roba, il y a quatre lettres. Ala wazn, amkana, la ay wazn. Amkana, afala. Non, afala. Taïeb. Mafoum ? Taïeb. Donc aujourd'hui, on a pris an, qui est harf al-nasb, qui fait que le fiel qui est en arrière, les mansoub. On a pris comment placer l'am attardé dans un fiel, et qui lui aussi les mansoub, mais on a dit qu'il n'était pas mansoub par l'am, mais par autre chose, par an qui est caché. On a pris mundu, on a pris le fiel amkana. Taïeb, fa. Andek, souel. والآن أسمح لك بالخروج الحمد لله رب العالمين